C'est déjà l'été sur Fun Radio. Tous les soirs, 19h, 20h, c'est le Before Party Fun, c'est du mix en direct. Je vous rappelle que mercredi, pour la fête de la musique, on sera avec Adrien Plage Borelli à Marseille, ouais. À vivre partout en France, notre Before Party Fun spécial fête de la musique, depuis donc la Plage Borelli à Marseille pour le Party Fun Live. Il est 20h, avant d'en trouver Lovin Fun, Adrien, on dit ce qui va se passer ce soir. À minuit, il y aura Party Fun. Ouais, exactement, avec un morceau en ce moment qui tourne partout dans le monde, qui est celui-là. DJ Khaled et Rihanna. Génial. Wild Towers. Rendez-vous ce soir à minuit pour l'écouter en entier. On va kiffer là. 22h, les filles Marion Enzo. Et 20h, là, c'est Doc Carrel, Alice. Oui. Love in Salut. Fun. Hey. Hello. Bonsoir, bonsoir à tous. Hello. Bientôt les vacances pour vous? Ouais, alors c'est dans 2 semaines, hein. Ça arrive vite. Une semaine? Attends, me dit une semaine, sans déconner. À la fin de la semaine prochaine. À la fin de la semaine prochaine, voilà. Ah ouais, donc il reste 10 jours, quoi. Ah ouais, donc, voilà. Il vous reste 9 émissions, quoi. Exactement, à kiffer avec vous tous, vous toutes, là, qui nous écoutez. Et on démarre une nouvelle émission, là, c'est parti. Bisous. Bisous, ciao. Bisous. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Carrel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous la chaleur. Putain, il fait une chaleur là, c'est la canicule. Alerte canicule. Doc, tu nous donneras des conseils pour bien vivre la canicule. Boire. Pas de l'alcool. Et pas de l'alcool. Oh bah merde, Doc, c'est la fin des examens et tout. Faut fêter ça, bordel. Oui, mais on se déshydrate encore plus avec l'alcool. Donc, danger. Bon, d'accord. Danger. On vous dira tout, bien sûr. J'espère que vous allez bien. On va faire de la libre antenne, hein, comme tous les soirs pendant 2 heures. 20h, 22h du dimanche au jeudi. On est là avec vous tous, vous toutes. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous appeler là au standard. Guillaume et Cindy qui décroche. 01 42 48 5000. Je m'appelle Carrel. Bonsoir, Doc. Salut à toutes et à tous. Il est médecin, il est pédiatre. Oui, entre autres, oui. Ah oui, entre autres. Et surtout, là, pour parler avec toutes et tous. Bien sûr. De tout et de tout. Et de tout et de tout. Voilà, exactement. Mais c'est ça qui est bon dans cette émission, c'est que. Ah oui, vous pouvez venir nous parler de tout également. Oui, absolument. C'est ça qui est bon dans cette émission. Chaque soir, c'est une émission différente parce que vous venez avec votre vie, avec vos questions. N'hésitez pas à venir les partager là avec nous. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Oh, le décolleté de ouf. Oh toute là la journée. Là. À Doc, il regarde un. Ah bah oui. Oh, arrêtez. Oh putain, il bande. Non, mais Doc, il a sa femme, donc il est blasé maintenant. Non, je suis pas blasé. Il y a que Katoche. Oui, voilà, entre autres, mais voilà, je respecte le droit d'avoir la tenue qu'elle veut. Ah bah, bien sûr, bah, t'es très jeune. Bah, encore heureux, attends. Ah, mais pourquoi t'es tout recouvert? Bah, je cache là, parce que du coup, j'ai l'impression qu'on voit plus que ça. Oh. Non, t'es magnifique, c'est Alice. C'est pas qu'on voit plus que ça, c'est qu'il ne regarde c'est ça, que ça. Exact, que tu ne vois plus que ça. Non, mais par exemple, juste un petit. À titre d'exemple, voilà, je suis un mec, est-ce que t'as eu l'impression qu'aujourd'hui j'ai regardé tes boobs? Ah, mais toute la journée, concrètement. Mais il n'y a pas que toi, il y avait aussi Cassim, Guillaume, un peu tout à l'heure. Mais ça m'a pas déplu pour Guillaume. Ah, ouais, voilà. Ça, c'est une question que vous pouvez venir poser. Pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré par ça? Guillaume. Bah non, parce que c'est moins, il est moins lourd qu'un mec comme Cassim, tu vois. Il regarde, mais sans regarder, je lui dis, mais vas-y. Tu moi, j'ai maté comme un porc. Cassim est là, bien sûr, c'est le producteur de cette émission. Geoff à la réa, et je vous l'ai dit, Guillaume et Cindy, notre auditeur du son aussi qui est là, c'est Théo, 17 ans de Vittel. Salut Théo. Salut Carrel, salut toute l'équipe. Salut Théo. Est-ce que tu as le site de Fun Radio là devant les yeux là? Non, pas devant moi. Non. Ah bah, tu sais que tu peux regarder l'émission hein, comme chaque soir, funradio.fr. Théo, t'es notre auditeur du soir, c'est toi la star ce soir. Si t'as envie de réagir, tu peux tout te permettre. D'ailleurs, choisir la musique aussi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, je me ferais bien un petit Clean Bandit, ouais. Ça s'appelle Symphony avec Zara Larsson. Et ça, c'est bon. Hein. Il y aura aussi le nouveau David Guetta, Justin Bieber. To you. Qu'est-ce qu'il est fat ce son. Dans l'émission aussi ce soir, Edia. Le son dance floor. Your mind. Il nous vient de Bretagne, nous accueillons Edgar, il a 15 ans de Rennes. Salut Edgar. Salut Lovin Fun. Salut. Ça va Edgar? Il a fait chaud en Bretagne là aujourd'hui aussi. Ah hein ouais, trop chaud. Pour une en fois. Fait, là c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, faut vous dire que moi je suis un gros porc. Enfin, quand je dis un gros porc, quand je transpire, je rejette de l'eau limite. Ouais, je transpire de partout, sous les aisselles, dans mon cul, avec mes boules et tout. Enfin, partout, le visage. Non mais vraiment la totale, chez moi, c'est une catastrophe. D'accord. Quoi. Tu sues, quoi. Mais c'est une nécessité parce que ça permet de réguler la température de ton corps. Ah ouais, mais à un moment, je serais capable de produire une piscine tellement que je transpire. Enfin, ah bah après, là, franchement. Pourquoi, Doc, il y en a qui transpirent plus que les autres? Parce que probablement leur système est réglé comme ça, mais c'est surtout parce qu'il y a une sollicitation. Alors, il peut y avoir d'autres choses, comme par exemple une excitation, le fait de faire un effort. Voilà, il y a des gens qui transpirent plus que d'autres. Mais là, c'est vraiment une nécessité. D'accord. Bon, eh ben voilà, Edgar, c'est normal de transpirer. C'est quoi le souci, là? Le souci, c'est que j'aimerais bien savoir si, par exemple, mettre vidéo, ça va vraiment m'aider. Je sais pas, trouver, par exemple, du talc. J'ai entendu parler que si je mettais du talc, ça pouvait m'aider. Mais il s'agit pas de ça. Du talc? Est-ce que t'as les mains très moites tout le temps? T'as les mains moites ou pas, toi, Edgar? Ouais, j'ai les mains moites, mais le pire c'est mon cul, enfin, quand je rentre chez moi, j'enlève mon caleçon et là il est tout trempé. Alors je me suis chié dessus liquide, quoi. Dégoûte là, sérieux. Il sue liquide, Doc. Oui, d'accord. Si t'as la chiasse, c'est parce que tu ne tiens pas, c'est autre chose. Attends, moi j'ai une question du coup, parce que on a des poils aux fesses, on a également des poils sous les bras. Ouais. Et est-ce que ça fait qu'on sue plus d'avoir des poils? Pas forcément, non. Pas plus, non. Non, parce que peut-être que. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression. Les glandes, tu dois y partir à cet endroit-là, mais c'est une nécessité aussi. Les filles suent moins que les mecs. On est d'accord. Ça dépend, c'est moins sûr. Ah bon? Bah, regardez, oui. Alice, ça ne suit pas du tout. Cindy, c'est pareil, vous ne suivez pas les filles. Non, mais vous suivez. Ça dépend. Ah bon? Vous transpirez parce que, voilà, sinon vous auriez 42 de fièvre, vous seriez mort. Ouais, c'est ça. On est obligé, en fait. C'est, par exemple, un exemple, chez les chiens, c'est un drame parce qu'ils ne transpirent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent très, très vite pour se rafraîchir. Grave. Ouais, ouais. Non, mais c'est tant mieux si tu respires. Ah voilà, Edgar. Mais sinon, j'ai la solution. Ah oui, je prends une éponge, je me la colle dans le cul et je me balade avec. Ah, tu sais quoi, un tampon, mais pour les mecs. Et j'aurais pas dit mieux. Le tampon au cul. Il y a des gens qui mettent des serviettes hygiéniques aussi. C'est vrai, ça. Ouais, il y en a qui mettent, genre par exemple, directement sur leur fringue. Vu que tu peux enlever et que t'as une partie collante de la serviette hygiénique, j'avais déjà vu des mecs faire ça. Ils collaient la serviette hygiénique au niveau de leur chemise ou de leur, leur t-shirt. C'est ce que fait Nikos Aliagas quand il présente des émissions de télé. Non, je t'assure. Mais arrête tes conneries. Non, mais bien sûr. Non, attends, Nikos et moi. C'est la technique de Nikos, quoi, la serviette hygiénique. Mais bien sûr, serviette hygiénique. Quoi. Non, non, mais alors, il y en a qui font ça et finalement, ça absorbe directement et t'as pas de traces sur ton t-shirt. Edgar, c'est chelou, hein. Edgar, je crois qu'il y a une invention à faire pour la transpi du cul. C'est ça. Hein? Ouais, je vais faire fortune là-dedans. Et Edgar, faut que tu déposes un brevet, tu vois, faut que tu passes dans l'invention d'un truc. Je sens que tu tiens quelque chose sur la serviette hygiénique, faudrait peut-être trouver autre chose, mais il y a peut-être le début d'une solution. Faut que je dépose un brevet, mais faut déjà que je passe le mien. Voilà. Et c'est en fin du mois, là, hein, c'est ça, hein, ouais. Edgar. Hein. C'est le 29 juin, c'est ça, hein. Le 29 et 30 juin, ouais. Ah bah bon courage à toi en tout cas, Edgar, et profite merci. Quand même, on a la chance qu'il fasse chaud là. D'ailleurs, est-ce qu'il fera chaud en juillet? C'est vraiment la question qu'on se pose en ce moment. Il fait tellement beau au mois de juin quand tout le monde bosse. Tu reviens quand tu veux, Edgar. Allez, salut Lovin Fun. Salut à toi. Je salue tous ceux qui nous envoient des messages. Vous êtes nombreux à nous écouter en voiture. Il y en a qui sont à la maison tranquille, qui révisent aussi. Il y aura pas mal de d'épreuves du bac encore demain là pour toutes les filières. Et puis on a Alma, 20 ans de Saint-Étienne qui est avec nous. Bonsoir Alma. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir Alma, tu nous appelles pourquoi? Moi j'appelle, c'est pour savoir si c'était dangereux de faire l'amour sur le sable sur la plage. D'accord. Mais en plus, ouais, il y en a plein qui vont s'y essayer, à mon avis, pendant les vacances d'été. Ah oui. 01 42 48 5000, si vous avez déjà fait l'amour sur des plages de sable fin, appelez-nous. Et Martin Jensen qui débarque dans 3 minutes, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love and Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Oui. Je vous appelle en fait parce que je fais une enquête en rapin et faut me répondre en rapin. Le bac ça sert à rien, malgré ce que croivent les gens. Avec mes potes, c'est ce qu'on pense et c'est nous qu'on a raison. Moi, je suis pas d'accord. Les études, c'est important. Fuck la philo, fuck les maths, fuck l'histoire géo, laisse-moi kiffer ma PS4. Fuck la mienne, fuck la PS4. Tu viendras pas te plaindre quand tu seras au chômage. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio.

on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool. Jensen, Solo Dance sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Loving Fun. 0-1-42-48-5000. Loving Fun sur Fun Radio. Loving Fun tous les soirs sur Fun Radio. On va accueillir Alma dans un instant. Il y a Théo, notre auditeur du soir. Théo, t'es là, mon poteau? Ouais, je suis là, ouais. Je viens de voir que t'étais DJ et animateur radio sur une web radio, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, si tu veux annoncer un morceau tout à l'heure, ça te ferait plaisir? Ouais, ça me ferait plaisir. Ouais. Eh ben, on te fera faire une petite intro de 10. D'accord, Théo? Ok, merci. Allez, tu restes avec nous. En plus, tu vas pouvoir réagir. Je sais pas si tu as déjà fait l'amour sur une plage, mais Alma veut poser la question. Bonsoir, Alma. Bonsoir. Salut. Salut. Alma, t'as 20 ans, t'es à Saint-Etienne. Oui, enfin, là, je suis sur la route. D'accord, ok. Bah, tu t'es arrêtée. Oui, je suis sur une aire de repos. Bravo. Et Alma, tu t'es posé une question. Nous écoutons. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Justement, ça va me servir. On va dans le sud pour les vacances et du coup j'avais une question en fait. J'ai un fantasme avec mon copain, ouais. C'est de faire l'amour sur la plage. Ah. Et je voulais savoir si c'était pas dangereux pour nous avec le sable qui peut ou pas rentrer, tout ça. Dans les quoi irritations. Rentrer où? À ton avis, voyons. Bah, je ne sais pas. Le plus gros risque, c'est de te faire passer par les flics, oui. Ouais. C'est parce que c'est attentat à pudeur. Bah oui, attends, ouais, non, mais normal. Si tu fais ça aussi en même temps, s'il y a tous les gamins qui sont à côté, non, il faut trouver. Ah non, mais ouais. Je suis quand même consciente que je suis quelqu'un de pudique, donc je ferais ça en toute intimité. Mais justement, je me posais la question par rapport au sable, si ça rentre à l'intérieur ou pas, est-ce que c'est dangereux? Mais, attends, je suis désolé, l'intimité, à partir du moment où tu es dans l'espace public, il n'y a pas d'intimité. Non mais une petite crique isolée, donc je veux dire, là où il n'y a personne, tu vois. Il n'y a pas de sable dans la crique. Bah si, il y a quoi? Il y a du parquet au sol? Attends. Bah non mais c'est vrai. Il y a quoi dans une crique? Elle a pas tort. Bah oui. Elle a pas tort. Moi je te conseille de prendre des grandes serviettes. Un petit carrelage. On a mis du balatum. Un carrelage. OK. Non mais c'est sûr. Ouais, non, mais attends, est-ce qu'on risque confort, que non mais Doc, OK, toi tu le fais pas, il y a pas de problème. Mais il y en a qui vont le faire. Je te conseille de prendre une serviette. Regarde. Tu prends une serviette, d'accord. C'est important, Alma. Qui a déjà fait l'amour sur une plage dans cette équipe? Ah bah oui. Voilà, tout le monde lève la main quasiment, quoi. À part Geoff et moi. Moi, j'ai fait dans l'eau. Et non, mais c'est, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt funky. Tu l'as déjà fait, toi, Alice? Ouais, ça m'est arrivé, mais c'est vrai que le sable, ça peut quand même être assez chiant. Parce que t'as beau mettre une serviette, je veux dire, c'est toujours le même problème, que tu fasses l'amour ou pas, t'as toujours du sable sur ta putain de serviette. Toujours un petit vent. C'est ce même problème quand tu fais l'amour, et au final, c'est vrai que c'est pas hyper pratique, quoi. Tu sens la maniaque dès qu'elle a un grain de sable sur sa serviette. Ah, oh, mon Dieu! Oh, le grain de sable! Ah, mais non, mais attends, c'est insupportable. Le pire, c'est les gens qui marchent et qui t'en foutent partout. Bon, là, c'est pas le problème. Mais quand voilà. Quand il y a des petites miettes dans ton lit, qu'est-ce que tu fais, Alice? Bah, je pète un câble. De lit, je déménage. Ah, Alma, ça peut être un délire. Tu te souviens, Kassim, l'avoir fait sur une plage, c'était bien ou pas? Ouais, c'était bien, mais c'était plus elle qui était emmerdée. Moi, je m'en foutais, tu vois. Moi, je limais, je m'en battais les couilles. Mais d'accord. Tu peux te brûler avec le sable, par contre. Ben c'est oui, vrai que si ça frotte, ça brûle. Forcément, ouais. L'humidité ne suffit pas. Donc, ça grippe le système. Frottement et tout, ouais, ça peut te brûler vraiment, ouais, c'est ça, douloureux. C'est ça. Quoi. Théo, tu as jamais fait l'amour sur une plage de sable fin? Non, moi, j'ai jamais baisé sur une plage. Par contre, qu'est-ce que je me suis tapé comme ton, moi? Comment? Pardon. J'ai pas compris. Il a dit quoi? Qu'il alors s'était tapé des tons? Ouais. D'accord. Ouais. Eh ben, Théo, articule la prochaine fois. Hein. La prochaine fois, essaie de capter quand tu fais ta vanne. Hein. C'est mieux. Ah, Alma, tu peux faire l'amour sur une plage. Y a pas de problème. Mais mets une serviette. Y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je pensais faire avec une serviette, de toute façon. Mais il y a d'autres endroits sympas en vacances, hein, pour faire l'amour sur des bottes de paille, par exemple. Oui, c'est vrai. Hein, c'est beaucoup mieux. Vas-y, Alice. Sur les réseaux sociaux, il y a Mathieu qui dit « Je l'ai fait une fois sur la plage et on s'est fait griller par des touristes, donc c'est pas le top. » Et Léa, tu risques juste un méchant coup de soleil comme moi. C'est vrai que ça peut être problématique, quand même. Ah bon, un bon vieux coup de soleil sur... Ah oui, apparemment, ouais. Léa, pas loupé. Hein. En attendant, Alma, ça reste un petit côté sympa. Mais et oui, tout. Faut essayer. Alors, en même temps, tu sais, l'avantage des fantasmes, c'est qu'ils fonctionnent bien quand ils ne sont pas réalisés. Voilà. À mon avis, tu vas être déçu quand même. Si vraiment c'est un rêve pour toi, tu vas être un déçu. Un fantasme, en tout cas. D'accord. Ouais, bah après, bah voilà, je vais poser le point et le compte, du coup, et on va voir. T'as rien à perdre à tenter. Hein. À partir du moment où il n'y a personne, faites-vous plaisir. Hein. Ah oui, non, bah on fera pas ça devant n'importe qui. Hein. Je n'aime pas du tout. Bah bien sûr. Bah, tu reviens quand tu veux, Alma. Merci. On te fait des gros bisous. Salut, ma chérie. Salut. Gros bisous. Salut, bonne route, hein. Merci, oui, il en reste encore un petit peu. Y a pas de radar sur ton autoroute, hein? Partout. Bah, je reste à 130. Bravo, c'est bien, pas plus, pas moins. Ah, l'appel à l'aide dans un instant. On va aider Ambre, 20 ans de Narbonne. T'es là, Ambre? Oui, coucou. Salut. Tout le monde. Alors, on Salut. Se souvient tous d'Ambre. Vous étiez tous là en train d'écouter l'émission hier soir, vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Et Ambre nous a appelé parce que son mec lui a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton mec? Eh ben, mon mec m'a dit que j'étais pas assez salope pour lui. Voilà, et on en a parlé et on s'est dit qu'on appellerait ton mec ce soir. On va lui passer un petit coup de téléphone parce que nous, on s'est vachement posé la question. Ça veut dire quoi? Il n'a pas expliqué pourquoi. En plus, donc ça veut dire quoi être salope au lit? T'es pas assez salope au lit. On va en parler dans un instant. N'hésitez pas pour réagir au 01 42 48 5000 et on écoute Clean Bandit. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat, and when you're gone, I'm dancing on to your heartbeat. Clean Bandit, Zara Larsson sur Fun Radio avec la symphonie. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Ambre est avec nous, elle a 20 ans, elle est à Narbonne. Salut Ambre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ambre, tu nous as appelé hier dans l'émission pour nous dire, voilà, mon mec, il dit que quoi ? Bah que je suis pas assez salope au lit. Voilà, c'est ça. On a beaucoup parlé, mais on pouvait pas lui parler à lui, donc c'était un peu chiant, on savait pas trop comment gérer la situation au final, parce qu'il nous a pas expliqué ce qu'il voulait, hein. C'est ça Ambre ? C'est ça. Quand je lui demandais qu'est-ce que c'était le plus salope au lit pour lui, il me dit de me débrouiller toute seule. Donc c'est compliqué. On avait parlé que tu prennes les choses en main. Doc, qu'est-ce que tu avais dit d'ailleurs là-dessus ? Non. Que tant qu'il n'avait pas dit ce qu'il voulait réellement, ça n'allait pas. Donc je pense que peut-être il voudrait qu'il ait une attitude un peu plus provocante, plus sexy, plus ceci, plus cela. Et je crois que surtout, le dialogue avant tout, parce qu'il faut quand même un peu s'expliquer. Il ne s'agit pas de donner des détails et de faire un scénario, mais de donner les grandes lignes. Le dialogue avant tout. Et pour dialoguer, on va l'appeler Alex. C'est parti. Donc Alex, 21 ans, c'est ton mec. On l'appelle en direct. Tu lui parles, d'accord ? D'accord, pas de soucis. Quand il décroche, tu lui dis « Je suis ta petite salope ». On va voir sa réaction. Oui, allô ? Oui, bébé ? Oui, ça va mon chat ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Dis-moi, bon, écoute, tu sais que je t'aime. Oui, bien sûr. Moi aussi, mon chat. Que je te cache rien. Oui. Tu te souviens les discussions qu'on a déjà eues, que tu me trouves pas assez coquine au lit ? Oui. Tu y as réfléchi du coup ? Quand je te demande à chaque fois de me dire ce que tu veux, tu me dis de me débrouiller. Mm-hmm. Écoute, je dois t'avouer que là, t'es en direct sur Fun Radio, dans la LinkedIn. J'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin que tu en parles. Oh, je me sens toute chaude, je suis une vraie petite salope. Bonsoir, Karel. Bonsoir, il connaît l'émission en plus. Y a Doc, Alice. Ça va, Alex ? Salut. Alors, dis donc. Ah oui, donc effectivement, j'ai dit de se débrouiller tout seul, mais du coup, je demande conseil. Ça veut dire quoi ? Tu as dit clairement que tu voudrais qu'elle soit un peu plus salope au lit. Ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment tu parles, Doc ? Je répète ce qu'elle dit. Hein. Oui, effectivement, il a pris ma citation, mais oui, ça m'est arrivé de lui dire, parce que du coup, ça fait 6-7 mois qu'on est ensemble, et j'ai toujours l'impression que c'est moi qui prends les devants pour pouvoir le faire. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle dit rarement non, mais c'est pas elle, de son plein gré, qui va venir. Elle nous a dit le contraire, elle nous a dit que quand elle prend l'initiative, tu te fermais. Oui, mais elle prend pas trop d'initiatives, en fait. Genre, par exemple... Qu'est-ce que tu voudrais ? Qu'elle vienne toute seule, sans que ça soit forcément moi qui vienne la voir. Par exemple, je me rappelle, j'avais mes ex, bon après, faut pas comparer, mais elle venait toute seule, et puis, pendant que je regardais la télé, ça se faisait tout seul. Ah ouais, c'est avec ton ex, hein. Mais c'est pas salope, c'est coquine un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais que tu vois qu'elle monte des scénarios, des tenues un peu différentes, qu'elle soit. Tu la trouves coincée pour être juste ou pas ? Non, ça va, mais au lit, c'est toujours moi qui dois faire. Donc tu voudrais qu'elle monte sur toi ? Ouais, voilà, et puis genre, parfois qu'elle soit déguisée ou... Ah, déguisée, Mario Bros, la princesse. déguisée, c'est-à-dire ? En tenue sexy ou en infirmière. En tub. Alors maintenant, dévoilé, parce qu'il a fini par se dévoiler, t'en penses quoi ? Oui, moi ça me dérange pas, si vraiment il n'y a que ça qui l'embête, il fallait qu'il me le dise. Pourquoi chipoter pour ça ? Non, mais je voulais que tu prennes l'initiative de toi-même de trouver, voir si t'allais trouver. Mais du coup, appeler la radio quand même, faut avoir de l'audace. Du coup, elle en a. Alors moi, je vais te dire, Alex, je pensais que quand tu disais « je la trouve pas assez salope », je pensais qu'en fait, tu voulais que ça se passe dans... tu sais, quand on se parle un petit peu mal, tu vois, genre « vas-y, tape au fond, je suis pas ta mère », tu vois, des trucs comme ça, quoi. Non, ça m'est arrivé une fois et ça m'a coupé dans mon élan. D'accord, eh ben moi je suis pareil. Moi franchement, quand on me dit ça, ça me coupe tout. Alors voyez, tous les deux, c'est important parce que sans rentrer dans les détails, bien sûr qu'il faut parler, mais il faut savoir dire un peu ce que l'on veut. Il ne s'agit pas de donner des détails précis, mais de savoir à peu près où l'autre doit se situer. C'est ça l'avantage de ce dialogue. Donc tu vois, finalement Alex, Maintenant, ouais, la conversation entre vous va continuer, mais surtout l'action. Bah dans le dans le bureau, on a une tenue d'extraterrestre. Hein, on allait la jeter, on va vous l'envoyer. Hein, super. Donc, ah bah oui. Ça, je ne sais pas de quelle planète ça vient, mais il y a moyen de trouver des idées, de se faire un petit ouais, scénar. Bon, un extraterrestre, le premier scénar, ça ne va pas trop le faire. Mais par la suite, pourquoi pas. Attends, toi, tu es un agent Men in Black et tu vas sauver la Terre, tu vois. Ouais. Hein, ouais, on peut voir ça. Mais comme premier scénario, il y a mieux. Eh ben, on vous laisse faire vos scénarios en tout cas, mais si ça a déjà un petit peu avancé pour vous. Vous voyez quand la prochaine fois là? Dans le week-end. Non, ce week-end. C'est ça, ouais, d'ici ce week-end ouais, à peu près, normalement, on se voit. Bon, eh ben, ouais, prévoyez un petit truc, hein. Je compte sur vous. On vous appelle dimanche soir. D'accord? Hein, d'accord. On fera une petite photo, petite diapo, tu sais, qu'on diffusera et tout. Hein? On verra. Et moi chaud là, Alex. Salut à tous les deux. Salut les enfants. Salut. Salut. Salut. On va accueillir William là, un instant, au 01 42 48 5000, 21 ans de Toulon. Salut William. Salut Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut. Salut William. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon poteau? Bah voilà, bah écoute, moi je suis addiction à l'alcool. Donc je voulais avoir quelques conseils du Doc. D'accord, bah y a pas de problème. Problème d'alcool, n'hésitez pas, hein. 01 42 48 5000 pour réagir. Et voici le nouveau David Guetta. In the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Cupid in a light arrow, got your name on it. Oh yeah. Don't miss out on the love and regret yourself on it. Oh. Open up your mind, clear your head, and gotta wake up to an empty bed. Yours to keep. Now that I give to you all of me. Oh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from. David Guetta, Justin Bieber, le nouveau son de David Guetta, c'était To You sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On est partout. Twitter, Facebook, le Snapchat aussi. Ajoutez-nous sur Snapchat, Love in Fun Radio. Envoyez-nous des photos de ce que vous faites là. En ce moment, on adore regarder. J'en ouvre quelques-uns là en direct. Le Snapchat, Love in Fun Radio. Il y a Kéké, Kéké71, qui dit grosse révision du bac en écoutant Fun Radio. Il s'amuse à empiler des chaises. Voilà. Bah putain. Il y a Lilian aussi qui nous envoie un petit message. Ma question, est-ce que l'eau chaude peut diminuer le sperme? Non. Non, pas spécialement. Merci, Doc. Non, mais c'est bizarre comme question en même temps. Oui, je sais pas. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il fait avec son sperme? Mathis nous envoie un petit snap. 33 degrés, il fait grave chaud en vous écoutant. Un petit message d'Enjoy Lou. Coucou, je viens de passer la fin d'après-midi aux urgences. Ah bon? Et en plus, luxation de la rotule. Autant dire que ça me saoule, surtout avec la chaleur. Elle est en train de nous regarder, là. C'est chiant, ça, Doc? Oui, il faut essayer de voir pourquoi. Peut-être un traumatisme ou alors une tendance. Ah, ça peut arriver. Elle s'est niqué les vacances, là, un peu, là. Enjoy Lou, bon courage à toi. Coralie aussi, qui nous envoie un petit message. Et beaucoup de température aujourd'hui, hein. Sur Snapchat, 34 degrés. Salia qui nous envoie un petit message. Salut, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avoir des places gratuites pour le Summer Sound à Rochefort? Non. Bah, voilà. Ma réponse de Cassim, le producteur. Hein. Kikou qui nous envoie un petit message. Gros bisous, vous êtes les meilleurs. Il y a Jiju, ouais, c'est ça, qui nous demande le mail pour recevoir les capotes Love in Fun. Je rappelle qu'on a encore reçu d'ailleurs un gros carton là, rempli de capotes. On en a plein à vous filer. Donc si vous voulez des capotes, hein, en plus c'est bientôt l'été et tout le monde va niquer. Enfin, faire l'amour. Va essayer en tout cas. Va essayer de pécho. Hein. Putain, l'objectif, tu sais quoi, c'est... Oh putain, j'espère que ça va le faire cet été. Hein. 01 42 48 5000, vous nous envoyez aussi un petit mail, loveinfun@funradio.fr, on vous envoie tout ça. Petit pack Love in Fun avec les capotes qui vont bien. William, en attendant, est avec nous et on va l'aider. William a 21 ans de Toulon. Bonsoir, William. Salut. Bonsoir. Salut, William. Vas-y, raconte. Salut, toute l'équipe. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, William? Voilà, donc, bon, je voulais vous dire que voilà, j'ai une addiction à l'alcool depuis un an. Et voilà, j'aimerais bien m'en sortir parce que je commence à m'inquiéter à ce sujet-là. Oui, d'accord. Alors, tu consommes combien d'alcool par jour? Je consomme une bouteille de whisky tous les deux jours. Donc c'est beaucoup trop, tu es d'accord? Voilà, c'est beaucoup trop, je le sais. D'accord, et ça depuis quand? Depuis un an. D'accord, voilà. Donc si je te dis tu es alcoolique, tu es d'accord? Je suis d'accord, j'en suis conscient. D'accord, et tu veux en sortir, parce que ça c'est la première étape. Ah oui, bien sûr, parce que là ça fait déjà deux mois que je commence à m'inquiéter. Ah bon, je le dis quand même, hein, les dangers, évidemment, à votre âge ça parle pas beaucoup, mais il y a quand même... au moins 49 000 décès par cancer, la cirrhose, et les atteintes neurologiques, la psychose, la dépendance alcoolique, tout ça, ça existe. Et évidemment, d'accord, sans compter les causes sociales qui sont majoritaires, les accidents de la voie publique, les problèmes au travail, parce que très rapidement, quand on est alcoolique, on ne bosse pas très bien. C'est une vraie toxicomanie. Donc, c'est sûr qu'il y a un vrai, vrai, vrai danger qui te guette. Et pour cela, il faut que tu fasses une démarche de désintoxication d'une certaine façon. Mais ça se passe pas comme ça. Il faut que bien tu ailles, tu as l'alcool à faux service, qui est très bien, bon, tu peux les consulter. Il faut que tu ailles dans une consultation d'alcoolologie. Il faut vraiment que tu y ailles, vraiment, vraiment, vraiment, parce que... Bah, s'il y va pas, qu'est-ce qui se passe, Doc? Il va devenir alcoolique de plus en plus grave. Au début, ça se voit pas trop, il y a pas tellement de signes, mais avec le temps, rapidement, c'est l'agressivité... Après, Doc, excuse-moi. Moi, après, voilà, je buvais avant avec les collègues en soirée, voilà, pendant les week-ends. Oui, et puis après, on se consomme tous les jours. La consommation régulée, alors, c'est, je mets des guillemets, mais enfin bon, ce qui est admis, c'est 10 verres par semaine, 2 verres par jour, pas plus, des petits verres standards, voilà. Ça, c'est la consommation, mais à condition qu'il y ait aussi un ou deux jours d'arrêt. La dépendance quotidienne, prendre tous les jours, c'est là qu'on est alcoolique quand on consomme tous les jours, qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est une réalité. Il y en a beaucoup, le parcours au final, c'est quand tu fais la fête avec les potes, tous les week-ends, etc. Et puis il y a ce jour où tu commences à prendre des verres quand t'es plus en week-end avec tes potes, et t'es tout seul chez toi, et que tu te dis, je vais me faire une petite bière, puis je vais m'en faire une deuxième. Et là, tu commences à te bourrer la gueule, t'es tout seul chez toi, quoi. Il n'y a plus tes copains pour t'amuser, etc. Dis-moi, je bois tout seul. C'est mauvais plan, ça, vraiment. T'es comment le soir? Je rentre du travail, je prends ma douche, je fais mon petit ménage et je me sers un verre. Et ça jusqu'à 22h. Voilà, des... donc je me tue une bouteille de whisky à moitié, quoi. Ouais, non, t'es un ouf, d'accord. Sérieux. Et donc, t'es bourré? Ouais. Bah bourré non, parce que je ressens plus l'alcool. C'est ça le problème. Mais attends, tu prends une bouteille de whisky, tu ressens pas l'alcool. Tu peux sortir. Non, mais c'est vrai. Ah, mais tu te rends pas compte. Les autres s'en rendent compte, à mon avis. Tu parles différemment, tu as du mal à marcher peut-être aussi, tu peux tomber. Non, pas du mal à marcher, parce que je m'endors comme d'habitude, mais j'ai besoin d'alcool pour m'endormir, ça. Alors, c'est sûr. Ma réponse est, il est possible d'en sortir, à condition de faire les démarches. Souvent, d'ailleurs... Les gens finissent par faire la démarche parce qu'ils ont des problèmes dans leur boulot majeur, des problèmes dans leur famille, ils sont plaqués. Oui, bien sûr. Eh bien oui, c'est la réalité. T'es en couple ou t'es pas en couple? Je suis pas en couple depuis un an. J'ai fait un fils. J'étais en couple depuis... j'ai vécu avec ma copine depuis 2 ans. Et ça fait un an qu'on s'est séparés. Voilà. Donc ça fait un an que je vis dans ma maison tout seul et que je travaille tout seul. Et comme tu t'ennuies, tu te bourres la gueule. Bah ouais. C'est un petit peu ça. Voilà. Mais je tiens mon travail. Alcool, service, c'est important. Conciliation d'alcoolologie pour effectivement entamer vraiment une désintoxication. Et tu vas voir, tu vas être heureux parce que la dépendance à l'alcool, c'est vraiment une descente aux enfers. Bah ouais, prends bien soin de toi, William. C'est bien que tu t'en rendes compte et tout, que tu nous appelles. Ah, je m'en rends compte. Bah oui, bien sûr. Ça m'inquiète. Faut changer les choses. Hein. D'accord, William? Il n'y a pas de souci. Bon, on t'embrasse fort et bon courage à toi. T'hésites pas à nous rappeler si jamais il y a un souci. Tu vois, ça c'est différent. Tu vois, ici, tu nous rappelles, tu repasses à l'antenne, on en reparle avec toi. Justement, j'avais une petite question, l'équipe. Bah vas-y. Est-ce que je pourrais avoir le numéro du doc? Ouais. C'est possible. Bah ouais, je te le donne. Un doc, je peux lui donner. Alors je vais le donner en direct, c'est parti. Attends, alors. Arrête, on va te le filer en antenne. En fait, d'ailleurs, c'est mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, doc? Il faut qu'on laisse un petit message à Camille juste après lui. D'accord, une auditrice qui était déjà passée à l'antenne. Un auditeur. Ok, un auditeur. On va s'en occuper et William, tu raccroches pas, d'accord? Il n'y a pas de souci, merci à vous l'équipe. Bonne soirée. Salut William. Salut, ciao. L'équipe s'est un peu marrée là quand William commençait à parler. Je me suis renversé le café intégralement sur moi. Ah, tu t'es pissé dessus. Ah, mais déjà, je me suis. Brûlé la teub. Ah, putain, et sans déconner, j'ai la teub toute chaude. Bon, mon café s'est renversé, mais vraiment pile poil sur la teub. Pour dire le numéro de téléphone pendant la continuité, Camille, c'est ce garçon qui avait un testicule qui enflait, vous avez vu la photo et tout ça. Ouais. Alors Camille, arrête tes conneries, tu me réponds d'accord là, mais t'es pas allé consulter. Voilà, tu sais quoi, tu parles de couilles qui enflent, la mienne aussi, doc. J'ai très très chaud. Alors Camille, là, tu nous entends, puisque t'es en train de me répondre sur mon téléphone, va consulter. Voilà, doc, il lâche pas l'affaire, hein. À tout moment, 24h sur 24, hein. Un problème, appelez doc à 4h du matin. Allô, je suis en train de faire l'amour avec Katoche. Oui, je t'écoute. Je suis ton médecin. On sera avec, dans un instant, un magnifique chiffre d'Alice. Et ça fait plaisir. Ce soir, on va parler d'île déserte. Oui, c'est ça. On va parler de la seule chose que vous prendriez avec vous si vous deviez aller sur une île déserte. Vous avez le droit à qu'un seul truc. Une chose, une personne, un animal, un objet. Qu'est-ce que vous prendriez? Ok, allez, on se lâche tous. C'est la fameuse question, hein, Kassim. Pour toi, ce sera un café, non? Non, franchement, non. Non, là, j'aurais plutôt besoin de lingettes. Hein. Restez bien avec nous, on sera avec vous. Toutes les réactions là pour le chiffre d'Alice. On va écouter aussi Edia avec Your Mind. Trois minutes à peine, restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 22h, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Fun. Jadid. The Chainsmokers et Luan. Edia. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes, la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça, on se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Love your imperfections. Avant de déménager, avez-vous pensé à tout? Le camion? 40 cartons sur un scooter? Eh ben, ça va en faire des allers-retours. Les copains?

Le chiffre d'Ali dans Loving Fun sur Fun Radio. Vous l'attendiez, il est là. Le chiffre d'Alice. Voilà. Ah, magnifique Alice aujourd'hui, vraiment. On a reçu beaucoup de snaps. Alors, j'ai dû censurer quelques snaps, mais elle ferait bander un mort. Mais quelle horreur. C'est la question. Alors, Kassim, tu veux faire quoi là? Quoi? Ah, d'accord, non, parce que je le voyais et tout. Non, j'ai fermé la porte. D'accord, ok. Non, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas rendu compte, mais j'ai enlevé mon fut. Je suis à moitié à poil. Ah, c'est vrai? Oui, parce que j'ai renversé mon café, du coup, c'est tout mouillé. C'est pour ça que tu te caches à moitié sous la table. Voilà, absolument. Au secours, il y a un exhibitionniste dans le studio. Et alors, ça t'excite, hein? Non, mais je suis choqué. Et ben, c'est surtout, putain, je suis en train de. Ah, il y avait encore du café, là. Ah, c'est pas grave. Alors, le chiffre d'Alice, ce soir, on va parler d'île déserte. Oui, c'est ça. C'est la fameuse question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans sa vie. On est sur une île déserte. C'est quoi l'objet qu'on va emporter, c'est ça, hein? Bah, écoute, moi, je trouve les gens un peu particuliers. Il y a 17% des gens qui disent, bon, bah voilà, demain, tu m'envoies sur une île déserte, j'ai le droit d'en être qu'une seule chose, et ben je prends des allumettes. Des allumettes? 17% des gens se disent, ah, mais alors moi, il faut absolument que je prenne des allumettes. Pour toi, ce serait probablement un caleçon de rechange, mais pour eux, vraiment, les allumettes, alors moi, je trouve ça un peu débile, quoi. Donc voilà, c'est pas ce que je prendrais, en tout cas. Bah, en tout cas, avec des allumettes, tu as du feu. Bah, oui, mais bon, voilà. Bah t'es moins con, tu prends un briquet, non? Je sais pas. Bah oui, carrément. Oui, mais c'est pareil, les allumettes, au bout d'un moment, t'en as plus. Le briquet, au bout d'un moment, t'as plus de gaz. Tu trouves un moyen de faire du feu autrement. Moi, j'ai une question, Doc. On a besoin de quoi pour vivre sur une île déserte? Eh ben, on a besoin d'abord de quoi se nourrir. Donc, ça, tu peux trouver de quoi te nourrir. C'est pas désertique. Mm-hmm. Voilà. Donc, tu vas fouiller. Non, moi, je vais te dire de quoi on a besoin. Vas-y. On est de plus en plus dépendant de tout. Et qu'on ne sait pas être libre. Voilà. C'est beau. Être libre, eh bien, c'est apprendre à se débrouiller. Ce que font d'ailleurs les scouts, hein. Les scouts, on les met dans pleine nature, ils doivent se démerder tout seuls. Ouais. Pour trouver, effectivement, bon, ils ont quoi se nourrir. Mais c'est ça. On ne sait plus faire du feu, ça c'est vrai. Mais on ne sait pas comment trouver sa nourriture, trouver de l'eau, voilà. Ouais, parce qu'on a tout à portée de main maintenant, c'est vrai que pour faire du feu. La lumière, t'appuies sur un bouton. Ah, c'est ça. Là, il n'y a plus rien. Ah, bien sûr. Et bien, justement, on s'est posé la question, on vous a posé la question, et vous êtes nombreux à réagir. On va commencer par Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie de Paris. Oui. Bonne nouvelle, tu pars sur une île déserte, toute seule. Ben, je prends ma poule. Ah, ça c'est génial, j'adore. Mais tu fais quoi avec ta poule? Ouais. Eh ben, t'es sûr d'avoir à bouffer, ça pond des œufs. Et si elle pond pas d'œufs, tu la bouffes? J'attendrai d'être sûr qu'on vienne me chercher, là je la boufferai. Ah oui. Sur ton île déserte, il y a un animal sauvage qui te la bouffe. C'est genre un renard qui te bouffe ta poule, t'as plus de poule. Sur une île déserte, un renard. Mais non, il y a la cage à fabriquer. T'as que ça à foutre. Hein. Ah ouais. Faut finalement en sécurité en même temps. Hein. Non mais bien sûr. Non mais je pense que tu dois trouver quelque chose. C'est comme dans le film là avec comment il s'appelle Tom Hanks, avec seul au monde. C'est ça. Ouais, l'autre il avait son ballon manioc, de volley-ball. Tu vas pas bouffer du manioc pendant des plombes. Non mais Stéphanie, je parlais pas de manioc, je parlais d'un film là. Tu peux suivre un peu l'émission. Enfin, hein. Mais elle veut pas que du manioc, elle veut une. C'est ça. En fait, la solitude, ça doit vachement te peser sur une île déserte, quoi. T'es tout seul et tout, quoi. Tu dois péter un câble, franchement. Nico, t'es avec nous. Ouais. Je sais que tu vas venir avec ta poule. Mais Stéphanie, moi, je la trouve pas tranquille. Hein. Nico, t'es là? Ouais, salut l'équipe. Salut Nico. T'as 22 ans, t'es à Clermont-Ferrand. C'est ça. Alors Stéphanie emmène sa poule. Qu'est-ce que t'emmènes toi? Moi, des haltères. Des haltères? Oh, mais n'importe quoi! Sans déconner, ça va te servir à quoi des haltères? Bah, la muscu, c'est la vie, quoi. Mais tu fais du sport sur place, tu t'en fabriques des haltères. Non, Dragon Ball, c'est la vie, mais pas la muscu. Alors, ni l'un ni l'autre. Non, mais Nico. Le fromage, c'est la vie, qu'est-ce que c'est? Ok, donc Nico, fragile de son état, hein, pratique la musculation, prend des protes, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, Nico. Et voilà, tu cultives ton corps un petit peu, et toi, t'aurais besoin de ça sur une île déserte pour être au top. Ouais. Ok. Ouais, t'es sur une île déserte, t'as une journée de merde, tu fais ta muscu, la journée est bien. D'accord, et ben voilà, et ben il en faut peu pour être heureux, hein. Des haltères. Johan à Perpignan, bonsoir Johan. Ouais, bonsoir. Salut Johan, t'as 19 ans, qu'est-ce que t'as besoin toi sur une île déserte, Johan? D'une femme enceinte. D'accord, mais peut-être ta femme? Raconte. Ta femme enceinte? Bah, une femme enceinte, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle est enceinte, donc forcément elle a du lait dans les nibards. Ouais, donc, vas-y, elle continue. Donc forcément tu vas pouvoir te nourrir. Ouais. Et en plus, étant donné qu'elle est enceinte, quand elle aura pondu, t'aurais une paire de bras en plus quelques années après. Eh ben, d'accord. Ah là là. Ok, t'as le mec. Mais rien à voir avec le côté un peu sexuel, le fait que t'aies après une femme à disposition. Mais elle est enceinte, tu vas pas taper dans le fond, tu vas toucher le bébé. Au bout d'un moment, Johan, elle va bien le sortir, son enfant. Tu dis que la femme est enceinte, donc elle produit du lait, et j'ai entendu Cassim faire une vanne. Ouais, elle pond un enfant, j'ai entendu Cassim dire qu'il couche, quoi. Et il pouvait faire du fromage. Ah oui, avec le lait, tu fais du fromage. Ouais, va t'amuser à faire du fromage avec du lait de femme enceinte, mon pote. Ouais, mais t'as jamais fait, mais t'inquiète. J'ai une technique ancestrale. Tu peux faire du yaourt si tu veux avec du lait. Ah oui? Mais sans déconner, je tenterai pas quand même. Ah ouais, donc c'est ça avec Katoche. Ah ouais, ouais. Non, ça, je fais mon propre yaourt. Elle a plus de lait, mais avec le lactose. Oui, bien sûr. Yaourt nature. Une fermentation, c'est bon. Ouais. Je l'ai appelé le grand yaourt Katoche. Il est demi-crémé, je l'adore. Johan, donc toi, ok, t'es le mec voilà, qui réfléchit et tout, qui pense à l'avenir. D'accord. On va prendre. Tu veux une petite dédicace ou pas? Ouais, vas-y. Bah, une petite dédicace à tous les pompiers de Perpignan, puisque je suis saisonnier à Perpignan. Eh ben, salut. Et donc, à Kirikou et à Bab Tout Fragile. Eh ben, on embrasse Kirikou qui nous écoute. Je peux te le passer, Kirikou, si tu veux, parce que là, on est à la caserne. Ouais. Vas-y, passe-nous Kirikou. Kirikou. Ouais, vas-y. Allô, Koé? Non. C'est qui? Bien essayé. C'est qui? Ah putain, c'est Karel, y a Doc, y a Alice. La vanne. C'était la vanne, je connais pas, c'est pour ça. Tu vois, ton pote, il a bon goût. Il écoute la Vinfun le soir. Mais il t'appelle Kirikou. Après, la vérité, j'écouterai à partir de maintenant. En plus, vous savez quoi? On est saisonnier pendant 4 mois, on dort dans la caserne à Pénor. Ouais. On a la radio et pendant 4 mois, on va vous mettre. D'accord. Et alors. Ouais, je vous écoute. Cet été, on sera pas là, par contre. Mais... Pourquoi? Parce que c'est les vacances. Ah, ben venez, on va se voir l'apéro. Kirikou, qu'est-ce que t'emmènes sur une île déserte, toi? Moi, qu'est-ce que j'emmène sur une île déserte? Non, franchement, là, vaut mieux que je te réponde à partir de 23h30 parce que ça va être du moins de 18 ans, là. Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'emmène? Une barre de lap dance. C'est tout. T'as le droit qu'à un truc. Un objet. Mais t'as pas de meuf, tu vas faire quoi avec ta barre? Choisis bien. J'emmène comment elle s'appelle la fille là qui parle là? Alice, t'inquiète, ça fera pas mal. Ah putain, franchement, moi c'est pareil, mais tu sais, c'est pas un objet, Alice. Hein, c'est... Ah merde, oui, un objet. Qu'est-ce que j'emmènerais comme objet, je pense, sur une île déserte Pour survivre, t'as rien. Un couteau et un fil. Fil de pêche. Ça, c'est bien. Le couteau suisse. Ah là, je suis d'accord avec toi. Et personne n'a pensé à ramener un bateau pour rentrer chez lui. Mais oui, il faut prendre un bateau, une machette. Ah, t'as droit à un objet. Imagine que ton bateau naufragé, enfin bref, t'es sur l'île déserte. T'as le permis bateau, toi? Tu peux pas te barrer. Ah, bien sûr, attends. Voyons. En Bretagne, j'ai passé mon permis bateau, il n'y a pas de souci. Le stop et tout, le feu vert. Le mec nous ment de ouf. Anthony, 21 ans de Caen. Salut, Anthony. Allô, ouais. Allô. Salut. Salut à toi. T'aurais besoin de quoi, toi, sur une île déserte, Anthony? Tu le fais toi-même. Et qu'il est nul. Il y a une chose qu'il faut pas emmener, c'est votre téléphone portable parce qu'il n'y a pas de réseau. En plus, on captera rien. Donc, Anthony, tu ramènes ton barbecue, mais tu pourras jamais l'utiliser, quoi. Bah, si. Pourquoi? Pour pêcher des poissons et après, on les mange. Ouais, mais comment tu fais pour faire fonctionner ton barbecue? Tu peux le faire, attends. Oui, enfin moi. Comme dans un tarifon avec du bois. Bah oui. Ouais. Tu fais ton feu tout seul, quoi. Je vais vous dire, sur une île des ânes, vous savez ce que vous pouvez bouffer? Quoi? Des insectes. Des insectes? Mais c'est dégueulasse, Doc. Non, c'est plein de protides, c'est bon. Ok, tu vas y aller tout seul sur ton île. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Et alors, vous êtes très imaginatif. Ouais, alors il y a John qui prendrait un matelas pour Solène, c'est son sextoy. Karine, un gel douche. Jimmy, une canne à pêche. David, mon lubrifiant. Sophie, un livre. Et Fafa, une poupée gonflable. T'emmènes quoi, toi, Alice? J'hésite, en fait, avec une machette. Je trouve ça quand même pas mal, la machette. Et le coup du bateau, c'est vraiment cool. Ou de l'anti-moustique, je sais pas. D'accord, de l'anti-moustique. Parce que sinon, moi, je tiens 2 jours et après, je meurs d'une allergie, en Mais fait. Mais non, franchement, Cassim, qu'est-ce que t'emmènes, toi? Une voiture. Comme ça, si je me fais chier, je fais des tours de l'île comme ça, tranquille. Il n'y a pas d'essence, des villes. Attends, c'est une voiture avec le plein d'essence. Ok, ouais, ça marche. Continue de réagir, en tout cas. S'il y a des bonnes propositions, on les lira à l'antenne dans un instant. On va faire le défi Fallait pas demander aussi avec des casques de réalité virtuelle à gagner. C'est Laura qu'on accueille sur Fun Radio. Bonsoir, Laura. Salut tout le monde. Salut, Laura. T'as 14 ans et t'es à Brest. Oui. D'accord. Tu vas faire le défi à qui, toi? Moi, je vais faire le défi à mon grand frère. Je vais lui faire croire que je veux coucher avec son meilleur ami. Waouh, ça va être chaud, ça. Grand phare protecteur, j'imagine. Oui. Voilà, Laura qui va tenter d'énerver son grand frère dans un instant pour repartir avec son casque de réalité virtuelle. Et en attendant, on écoute Baker Matt. C'est Baby. My heart is full of love and desire for you. Baby sur Fun Radio. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Love is fun. Radio. Merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio. Et si vous venez de débarquer, vous êtes tous les bienvenus du dimanche au jeudi. L'émission s'appelle Love in Fun. Dites-le à vos potes, tous vos amis. Nous, on est là tous les soirs. On squatte pendant deux heures. Vous pouvez nous appeler. On répond à toutes vos questions. 01 42 48 5000. Il y a différents moyens de communiquer avec nous. Bien sûr, on est partout. Hein. La chaîne YouTube Love in Fun, le Twitter, le Facebook. Alors, sur Twitter, c'est le hashtag Love in Fun pour qu'on voit bien vos messages. On va écouter aussi du bon son. Dans un instant, il y aura Luis Fonsi avec Despacito. Luis Fonsi qui sera l'invité de JB demain à 18h, ça va être énorme. Ça c'est le tube de l'été, Major Lazer aussi, No No Better sur Fun Radio. Le numéro, et Vincent qui sera avec nous aussi. Vincent, 15 ans à Nanterre. Salut Vincent. Salut Supplétive, comment ça va? Salut, salut Vincent, on a modifié ta voix, par contre il va falloir que tu parles un petit peu plus fort. Tu vois qu'on parle de quoi avec toi Vincent? Alors en fait moi quand je suis dans la rue j'ai envie de tuer des gens, mais ça me fait un peu peur quand même. Ah oui, c'est déjà pas mal. D'accord, on va en parler dans un instant. Vincent qui veut tuer des gens, ça fait un peu flipper hein, Vincent quand même. Lison, 18 ans de Laval, bonsoir Lison. Bonjour l'équipe. Bon, bonsoir, salut. Bonsoir Lison. Tu nous appelles pourquoi toi Lison? Bah moi je voulais savoir si un mec qui pouvait s'auto-sodomiser comme certains peuvent se faire des auto-fellations. C'est pas possible. C'est quoi cette émission de ouf? Il y a Vincent qui nous dit moi je veux tuer des gens et moi je voudrais savoir s'il y a des mecs qui peuvent s'auto-sodomiser. Bien c'est sûr. Bah restez avec nous, on va parler de tout ça bien sûr. Et là on va se marrer avec le défi fallait pas demander. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Et je sens qu'on va encore se marrer là maintenant avec le défi fallait pas demander. Tous les soirs, des casques de réalité virtuelle à gagner. Ça c'est bon, maintenant que vous le savez, vous n'avez plus qu'à nous appeler. Hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard et Laura est avec nous. Elle a 14 ans. Salut. Salut. Laura est une bretonne. Oui. Eh ben voilà, comme moi, ça fait plaisir. Les champions, les bretons. Oh là là. Hein. Laura, bah ouais, non mais moi je suis fier. Comme par hasard. Ouais, non ça mais ça. Y est. Mais en Lorraine aussi, ils sont forts, Alice. Bah oui, bien sûr, évidemment. Mais bien sûr. De toute façon, dans cette équipe, il y a toutes les régions de France qui sont représentées. C'est hein, clair. Je vous le dis. Hein. Alors, Laura, ce soir, oui, défi fallait pas demander. Tu vas appeler qui? Tu vas poser quoi comme question? Je vais appeler mon grand frère. Je vais lui demander si son frère il est toujours célibataire parce que je voudrais coucher avec lui. Tu veux dire son meilleur ami? Oui. D'accord. Oui, son meilleur ami. Ah ouais. Donc toi, Laura, tu vas appeler ton grand frère qui a quel âge? Qui a 19 ans. D'accord, pour te taper son meilleur ami. Voilà. Ok, il va être super content. C'est génial. C'est parti Laura, tu dois l'énerver. Rends-le complètement dingue. On y va, on appelle tout de suite ton grand frère Corentin. Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je voulais savoir, tu sais, ton meilleur ami? Ouais. Est-ce qu'il est toujours célib? Ouais. D'accord, parce qu'en fait, je fantasme un peu sur lui, et du coup, j'aimerais bien faire ma première fois avec lui. Pardon? Ça te dérange pas, en fait. Il t'arrive quoi, toi? Bah, Bah, en même temps, je rêve un peu de lui la nuit. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais, tu pourrais lui dire, lui en parler. Moi, je suis dispo dès mercredi, si tu veux. Stop. T'arrêtes depuis toujours, là. T'as fumé, t'as pris quelque chose ou quoi? Bah non, mais tu préfères que je fasse ma première fois avec un inconnu, avec ton meilleur ami? Tu préfères avec que j'en parle aux parents ami. Ou comment ça se passe? Quoi? Tu préfères que j'en parle aux parents ou comment ça se passe, là? Mais pourquoi ça te dérange? Mon meilleur pote. Ben attends, je sais pas, moi, c'est comme si moi, je fantasmais sur ta meilleure amie et je te disais, ben t'es comme ça, j'ai envie de coucher avec elle, tu vois. Et ben c'est pareil. Et si je te dis qu'on a déjà fait des trucs tous les deux, ça t'énerve ou quoi? Pardon? Attends, vous avez fait quoi tous les deux, là? Bah, je sais pas, moi. Devine. T'as que 14 ans. Mais c'est bon, j'ai 29 ans, hein, on se calme, hein. Oh là là, mais tu me rends fou, toi. Je passe ma copine parce que tu m'énerves, là. C'est ton grand frère. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais. C'est qui? Moi, c'est Déborah. Pardon? C'est Déborah, je suis un peu timide. Ouais, mais je te connais pas, en fait. Mais je suis copine à Laura. Ouais, mais c'est très bien. Et alors? J'ai envie de me faire démonter. C'est très bien, tu vas te faire démonter, mais pas par mon meilleur ami, tu vois. Je suis une grosse chaudière. Mais tant mieux pour toi. Mais tu te fais démonter ailleurs. Tu sais, il y a des endroits où tu peux te faire démonter. Hein. Ton meilleur ami, il est très beau. Ah bon? Ah oui. Ah, mais c'est bête, ouais, tu l'auras pas dans ton lit pourtant. Bah, c'est pas grave, à ce moment-là, peut-être que toi et moi, ça pourrait matcher. Ah non, je crois pas non plus, non. Je pense pas, tu vois. Et dis-moi, tu as prévu de foutre les nerfs avec Laura, ça se passe comment, là? Attends. Attends, je me mets un doigt. Oh putain. Toi, tu me fous les nerfs aussi. Hein. Je te promets, tu me fous les nerfs. Ah, hein. Oh, c'est bon. Mais quoi, c'est bon? Ouh, oh là là là là. Et tu traînes avec ça, toi? Eh ben, mon père. Je te repasse ta soeur. Ouais, vas-y, repasse-la moi, là. Et non, mais attends. Quoi? Attends. Tu te cales des doigts avec ta meilleure amie, là? Ça se passe comment? Eh, mais bah, alors, il y a quoi de mal? Tu te calmes? Pourquoi tu me juges? Oh là là là là là là. Eh, mais t'es pas bien, toi, hein? Ah bah si, mais, quoi? Ma parole, quoi? Tu l'as attardé. Bah non, j'ai bien vu à la naissance que tout allait très bien. Ah non, mais non, ça va pas bien, parce que, attends, excuse-moi, tu me passes une pote qui est en train de se caler des doigts. Donc au bout d'un moment, non, t'es pas bien dans ta tête, déjà. Pourquoi tu l'as vu? J'avais ce qu'elle veut, hein. Oh là là là, mais tu vois quoi? Je te promets, Laura, elle se sent... Je te déglingue. Je te jure, je te déglingue. Mais tu veux pas appeler Arnaud plutôt? Ça m'arrangerait, puisque... Je te jure, tu fais un peu trop ta belle. Mais ah non, je veux juste que tu demandes à ton... Mais putain, mais je comprends mais non, vraiment je rien. Mais non, hein. Mais pourquoi? Tu calmes ta gueule, tu me fais pas chier. Non, il n'y a pas de... On se calme. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, ok? Corentin. Pas derrière quoi? Corentin, mon bébé. Qu'est-ce que t'as? Non mais en fait je ne tiens pas du tout la voix ce soir, donc Corentin, tu es en direct sur Fun Radio, Corentin. Mais non. Si. Mais non. Bon, moi j'hallucine, hein, quand je fais cette petite voix, que vous puissiez penser que je sois une femme, hein, vraiment, Corentin était dedans, hein. Il se cale des doigts. Mais non. Et ouais, Corentin, tu viens de te faire piéger par Laura dans toute la France. Laura, ma chérie, grâce à ton grand frère Corentin, la bonne nouvelle, c'est que tu repars avec ton casque de réalité virtuelle Omido et le Blu-ray du film Fun Radio Alibi.com. Je suis désolée, Corentin. Tu vas me le filer, surtout. et t'as pas le choix, hein, je te le dis. Hein, vraiment, ah, Laura. Elle m'a mis les nerfs, en vrai. Et vous allez pouvoir vous faire une petite séance ciné, tous les deux. Petit bourré à la maison. Et ben voilà, dans la maison, tranquille. En tout cas, Corentin, ça va mieux, hein, un peu moins vénère. Ah ouais, ben là, je suis en train de me dénerver, là, tu vois. Ah ouais, bah, on sait déjà que Laura, faudra pas avoir des vues sur ses meilleurs potes. Hein, parce que j'ai cru comprendre, oui. Ça va pas être possible. Puis bon, ils sont un peu vieux. Hein, t'as que 14 ans, Laura, hein, je oui, le rappelle. On t'embrasse très très fort, ma Laura. Bravo Bisous. À toi, en tout cas, t'as assuré. Et salut, Corentin, salut à tous les deux. Bonne soirée, merci. Salut. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Toute la soirée, vous nous appelez au standard au 01 42 48 5000 Love in Fun et Jérôme, 26 ans de Fontainebleau, qui nous appelle. Salut Jérôme. Ouais, salut toute l'équipe. Ça salut va à toi. Salut. Bienvenue dans l'émission, Jérôme. Tu appelles pourquoi? Alors voilà, j'ai 26 ans, ça fait un an et demi que je suis divorcé. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 48 conquêtes et j'arrive pas à me poser. Oh putain, un mec qui compte et tout, j'ai 48 meufs. Mais en même temps?

01 42 48 5000. Love, Love Fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Baby, I love when you fly with me. Cause you're the only one that sets me free. Baby, I just wanna let you know that you're the only one I see. Come and fly with me. Baby, your eyes inspire me, and I just can't believe you're here with me. You have the key. So why are we waiting? This love we're creating, I wanna hear your melody. So why are we waiting? This love's escalating. Just take a breath and set me free. Oh, come and fly with me. Make me fall, make me fly. Oh baby, can't you see how much this means to me? Through the night, through the sky, make me smile, make me cry. Let's leave this gravity, just come and fly with me. Odyssey, Fly sur Fun Radio. Love in Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Et la chaîne YouTube Love in Fun, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de vidéos de ce qui se passe dans l'émission. La dernière qu'on a mis là, c'est quand un auditeur a essayé de draguer Alice en direct. Ahmed. Ouais, c'était drôle. Il a un peu galéré. Ouais, il y a aussi le live de Vincent Vinel, le finaliste de The Voice, ah, oui. Le clip Karel et les Fragiles, allez mater. Il y a plein de séquences de l'émission. Quand elle aussi, elle est venue dans l'émission, quand elle s'est fait draguer à l'antenne par un relou, n'hésitez pas. La première capote dans l'espace. Ah, hein. Surtout. Ça, aussi, c'était quand même énorme. Vous allez voir comment. La capote est allée dans l'espace. Matez le YouTube de Love in Fun, la page YouTube, hein, tout simplement Love in Fun, vous nous trouvez très facilement. En attendant, on va accueillir Jérôme, 26 ans, à Fontainebleau. Jérôme, t'es là ? Je suis là, bah ouais, ça va. Ok, beau gosse. Ça va bien. Jérôme, raconte-nous un petit peu pourquoi tu nous appelles ce soir. Bah voilà, alors j'ai divorcé il y a un an et demi, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 48 conquêtes et j'arrive pas à me poser. Bien sûr, c'est normal. Juste avant, y a une question quand même, parce que toi, Doc, tu dis que c'est normal, le mec... Pas les 48 conquêtes, mais pas de pas se poser. Ouais, parce qu'une fille, ça fait à peu près une fille toutes les deux semaines, enfin même une fille par semaine. Deux par jour. Deux par jour. Non mais attends, mec, c'est quoi ? C'est sérieux, c'est vraiment deux par jour. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, excuse-moi. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas de te taper des meufs et toi tu veux te poser ? Je comprends pas. Ah bah ouais, parce que j'arrive à un âge où j'ai envie de me poser, quoi, et j'arrive pas. Mais t'en as pas un peu marre ? Si, ça me lasse. Ah bah ouais. Parce que ça te mène pas très loin. Mais là, ouais, ça fait long, quoi. Et bien maintenant, il va falloir que tu patientes. Parce que, effectivement, entre le coup d'un soir, c'est à peu près facile. Être avec quelqu'un avec lequel tu as de belles choses à partager, des sentiments éprouvés, et envie d'aller plus loin, eh bien, ça ne se trouve pas comme ça. Surtout que tu n'es pas. Alors, il y a aussi la rupture. Ils n'ont pas parlé de la rupture. Ouais. C'était quoi ta rupture ? Du jour au lendemain, m'a dit c'est fini, je veux refaire ma vie de jeune fille, et voilà, elle a demandé le divorce, et au bout de trois mois, elle a divorcé. Et là, t'étais pas d'accord au départ? Ah bah non, j'étais pas d'accord. Donc t'as souffert. C'est une vengeance ? Ouais, un petit peu, ouais. Une vengeance. Je pense que, ouais, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ouais, c'est une vengeance auprès des filles, quoi, des femmes. T'es ridicule. Oui, mais je pense surtout qu'il a perdu confiance en lui et il reste sur des choses superficielles parce que s'engager est douloureux. Quand t'as, là, parce qu'il s'est vraiment engagé, il a épousé cette fille, pour lui c'était sérieux, et elle lui dit excuse-moi, je me casse. Bon. Alors qu'elle a dit oui pour le mariage. Donc c'est sûr que je comprends très bien ton sentiment. Mais la solution n'est pas effectivement de tirer sur tout ce qui bouge. Théo, tu vois bien que ça marche pas. Théo, notre auditeur du soir, 48 conquêtes en un an et demi, ça te fait rêver ou pas ça, Théo ? Ouais, bah. Merci Théo. Théo, il est aux chiottes, tranquille. Ouais. Non mais moi Jérôme, franchement, tu te rends compte que 48 nanas comme ça là, en un an et demi, ça se trouve il y en avait plein qui étaient géniales et que t'as laissé passer quoi. Peut-être, ouais, mais après, mais voilà, je suis pas fier parce que j'ai fait des trucs un peu, voilà. T'as fait quoi ? Si tu te sors, ouais, je m'attache et toi tu lui sors à la fin, mais non, mais j'en ai rien à foutre, voilà. Mais bien ouais, c'est pas très correct. Non, c'est pas correct, c'est surtout que ça reste extrêmement superficiel et tu ne l'es pas. C'est ça. Ouais. Non, mais il faut peut-être que tu essayes les mecs, stop. Hein, Jérôme. Non, pas du tout. C'est pas, 48 nanas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas de cette façon que tu vas reprendre confiance en toi. Voilà. Ouais. Il faut que peut-être, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu fais quoi comme métier ? Alors, je suis dans la fonction publique et je suis pompier en même temps. Donc, très beau métier, mais il faut que tu aies des loisirs, des choses où tu t'exprimes, où tu te sens bien, qui te donnent du plaisir et du bonheur. Parce que ça, c'est important pour toi, pour que tu reprennes confiance en toi. Et puis que tu sortes, bien évidemment. Mais coucher avec toutes les filles qui passent, c'est... Finalement, d'une certaine façon, tu le dis très clairement, tu te dévalorises. C'est ça que tu dois prendre en compte. Donc, un peu d'abstinence, ça te fait beaucoup de bien. Bon, ça va être dur, hein, Jérôme. Ouais, mais j'arrive pas, en fait. J'aime pas être tout seul, quoi. Par exemple, là, j'ai un pote, mais après, je sais que... Voilà, après, je vais aller baiser, quoi. Mais clairement... Attends, si tu veux, pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Sauf qu'apprendre à être seul, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut... Et justement, je veux fouiller dans cette direction-là. C'est à toi de le faire. Apprendre à être seul, c'est prendre effectivement, avoir des loisirs qui font que bah, tu te sens bien, c'est cultiver je ne sais quoi d'autre encore, mais vraiment apprendre à être chez toi, lire, faire ce que tu veux, mais apprendre à te poser, dire je suis bien chez moi. Et quand tu seras bien seul, ça sera plus facile d'être bien que quelqu'un. Voilà. Okay. Fais-toi un jardin. Cultive des choux, tu vois, des tomates. J'ai même pas de balcon chez moi. Oui, non, tu fais aucun effort, Jérôme. Hein. Déménage, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, Jérôme, écoute les paroles du sage de Love in Fun. Doc. Ok, ça marche. C'est comme ça que tu vas progresser dans la voie du bonheur. Salut, c'est Jérôme. Possible, c'est possible d'avoir un petit pack Love in Fun ou pas ? Oui, bien sûr. Non, pour tout ce que t'as fait à toutes ces filles. Non, moi, j'adore les femmes. C'est dégueulasse ce que t'as fait. C'est 48 filles, t'as toujours mis des préservatifs. Ouais. Bon, alors on va t'envoyer le stock de capotes, mais à ne pas utiliser, bien sûr, puisque là, il faut que tu aies un abstinence. D'accord, Jérôme ? Ça marche, pas de soucis. Salut, poteau. On va revenir sur le chiffre d'Alice. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. On va continuer dans un instant de parler des objets qu'on emmènerait sur une île déserte. N'hésitez pas à nous dire un 01 42 48 5000. On lira également vos messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag LoveInFun sur Twitter, le Snapchat, bien sûr. Et là, en attendant, c'est Robin Schulz avec Hockey sur Fun Radio Love in Fun. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Robin Schulz, James Blunt sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Cet été, on va voyager, on va peut-être prendre l'avion, le bateau et on va peut-être atterrir sur une île déserte. Hein. Ouais. Et si on pouvait emmener un objet sur une île déserte? C'est le chiffre d'Alice ce soir. Donc le chiffre, c'était sur les couteaux suisses, c'est ça? Non, en fait, il y a 17% des gens qui emmèneraient des allumettes. Des allumettes? Des allumettes. Alors que c'est quand même nul. T'as autant, ouais, dans ces cas-là, prendre un allume-feu. Enfin, les trucs que tu peux gratter comme ça pour faire le feu dans la nature. Alors que des allumettes. Il y a énormément de réactions. Ouais, puis tu vas livrer une cuisine par Ikea aussi. Ouais. Ah oui, mais voilà. Attends. Non, mais attends, c'est ridicule. Mais alors, il y a des propositions qui sont vraiment bonnes et d'autres un peu moins. Un peu moins logiques. Un peu moins, ouais. Carrément. Mika est avec nous, Mika de La Rochelle. Salut Mika. Salut Karel, salut à tous. Salut Mika, tu vas où toi en vacances Mika? Je pars un peu partout. Je vais un peu dans le monde, j'ai fait l'Australie, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait un peu partout. Ah oui, non mais cet été là, parce que tu vas pas tout faire cet été. Ouais. Ah cet été, je sais pas encore. D'accord. On prend souvent dernière minute comme ça. Ouais, bah, un petit plan comme faire, ça, ouais. lastminute.com quoi. Hein ouais, c'est ça. Même on va à l'aéroport et on choisit la destination, ça nous arrive une fois. Ah ouais, ouais. Ah bah ça c'est quand, ah, on a, quand on a un peu de thunes quand même, normalement. Non? Bah non, tu les as moins chers comme ça en plus, sur, ouais, les billets d'avion. Ou pas tout le temps, hein. Des fois c'est, ah, c'est bien rush aussi. Mais en attendant, Mika, là tu te retrouves sur une île déserte, hein. Il te faut, ouais, un objet. Alors tu prends quoi toi? Bah moi je prends un kit de survie. Hein. Ouais, ah voilà. Au moins il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas de problème, on peut faire du feu. On peut, ah oui, oui, il y a le kit de survie des militaires. Ah les militaires, ouais, reçoivent, un kit avec vraiment beaucoup de choses. Ouais. Pour survivre, il y a des rations alimentaires, bien sûr, mais il y a aussi de quoi faire du feu, enfin bref, différentes choses comme ça. Cindy, de quoi pêcher, il y a du fil de pêche. Bah, Cindy, elle doit connaître ça. Cindy, elle est réserviste à l'armée, justement. Tu connais le kit de survie, toi, Cindy? Bah, je connais les rations de combat, mais pas les kits de survie. Après, j'imagine qu'il y a des pastilles pour rendre l'eau potable. Ça, ah oui, ah, putain, ouais, ça c'est bien ça. Ouais, après, il y a une espèce de petit kit pour faire du feu. Ouais. Ah, moi j'emmène Cindy, moi. J'ai décidé. Ou Bear Grylls. Voilà. Non, mais il y a quelques trucs sympas, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Eh ben, Mika, c'est la première réponse intelligente qu'on ait eue. Bravo, Mika. Ah, bah voilà. Ah, merci. C'est vrai. Aurélie, ça fait, c'est sympa pour les autres, hein, je le précise. Aurélie d'Agde. Bonsoir, Aurélie. Oui, salut. Bonsoir à toute l'équipe. Oui, bonsoir, salut. Aurélie. Vous nous entendez? Vous emmenez quoi sur une île déserte, Aurélie? Alors, moi, c'est l'oreiller. L'oreiller? Ah, marrant. Ouais. D'accord. Ah, toi, tu veux bien dormir? Ah ouais, je peux bien dormir. Bah, quitte à être seule, je me dis que dans l'émission The Island, on arrive à vivre avec un rien. Ouais. Bah, au moins, quitte à bien dormir. Voilà, donc ton petit oreiller tranquille. Ouais, nickel. D'accord, on rajoute ta peluche? Bon, pas besoin, non, ça va, on trouvera sur l'île. D'accord, ok. Dorian, 18 ans à Montpellier. Salut Dorian. Salut à tous. Salut Dorian. Toi, t'emmènes quoi, toi, sur une île déserte? Alors, bah, moi, j'apporte mon head spinner. Ah bah voilà, ah bah Doc, Doc sort le sien. Eh, non, non, que... non, non, mais en fait, oui. même sans île déserte, ça ne sert à rien en fait. Donc je vois pas vraiment à quoi ça va servir sur une île déserte. Il y a deux personnes que je connais qui sont à fond sur le hand spinner. C'est mon fils de 6 ans et Doc. Non, mais c'est vrai. Et Doc pour l'émission, il fait tourner le hand spinner. Ah, bah, t'arrives à le mettre sur le front, pas hein, Doc? Pas encore. Ah, ça veut dire qu'ils s'entraînent et tout, le soir ils se font des compètes avec Katoche et tout. Ouais. Vas-y, combien de temps tu fais durer ton hand spinner, toi? Hein, c'est ça? Et donc toi, tu emmènes ton hand spinner, Dorian? Ouais, voilà. T'as que ça à foutre, hein, putain. Bah, exactement. Ah, bah, t'as raison, au moins t'auras de quoi t'occuper, hein? Voilà, c'est ça. Et Sophie, Sophie, 21 ans d'Épinal, salut Sophie. Salut tout le monde. Salut Sophie, salut. Qu'est-ce que t'emmènes, toi, sur une île déserte? Alors moi, j'emmènerais des tongs. Des tongs? D'accord. Oui. Avec des chaussettes, j'espère. Non.

sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Le numéro de téléphone pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi tweeter avec le hashtag Love in Fun. Et la page Facebook aussi de l'émission, c'est Alice qui s'en occupe régulièrement avec Guillaume et Cindy. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. En plus, on répond à tous vos messages pour passer sur l'antenne. Ça peut être aussi un bon moyen. 01 42 48 5000. On va accueillir Vincent, il a 15 ans, de Nanterre. Il y a que dans Love in Fun qui peut passer pour ouais. parler de ça. Bonsoir Vincent. Vas-y. Salut toute l'équipe. Salut. On t'écoute Vincent. Alors moi depuis quelques années, jeune, depuis que j'ai 7-8 ans, je rêve la nuit de tuer des gens. Mmh. Je vais dans la rue des fois tuer des gens mais je me retiens. Tu parles de tes rêves ou de la réalité là ? Non, aussi de la réalité des deux. Tu es dans la rue, tu rencontres des gens et tu as envie de les tuer. Mais tu ne le fais pas. Ouais, je le fais pas parce que je pense que je vais faire une grosse connerie si je les tue. Oui. Donc, tu as un état de conscience. Alors que tu as envie de tuer quelqu'un, oui, c'est sûr, quelquefois tu pourras envie de tuer quelqu'un. La seule chose qui te différencie à quelqu'un qui est un peu fou, c'est que toi, tu fais la différence entre ce que tu ressens et la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, tu ne le feras pas parce que tu sais que tu vas être puni, que c'est pas bien, tu n'as pas envie de faire souffrir, enfin, bref. C'est quelque chose non, comme ça. En fait, il y a des têtes qui passent dans la rue. En fait, je ne les sens pas. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils font du mal à des gens. Ouais, d'accord. J'ai comme la sensation d'envie de me venger. Mmh, d'accord. Tu dors bien la nuit ? Ben, je pense que oui. Enfin, je fais beaucoup de Comment rêves. Ça se passe ? Tu fais beaucoup de ? De rêves. D'accord. De rêves ou de cauchemars ? Ben, c'est plutôt des rêves. Enfin, comme, d'accord. Comment c'est dans la journée ? Tu vas à l'école, j'imagine, ou au collège ? 15. Oui. Et t'as des copains ? T'as beaucoup de copains ? Ouais, j'ai pas mal de potes. Et t'as envie de tuer des potes à toi ? Non, parce que c'est des potes, c'est pas pareil, je les connais. Okay. Mais des inconnus que je connais pas, j'ai envie de les tuer, enfin, je sais d'accord. pas pourquoi. Ok. Oui, bien sûr. J'ai envie de les tuer, peut-être, oui, c'est quelque chose qui te reste l'esprit. Et comment c'est dans ta famille ? Ça va super dans ma famille. En fait, c'est que les inconnus. Ok. J'ai pas compris. Ah oui, c'est que les inconnus. Mais en fait, c'est je veux savoir si t'es bien dans tes baskets, si tu as des potes, si tu rigoles, si t'as envie de jouer, toi. Enfin, t'as envie de les tuer comment, Vincent ? Avec un couteau. Bien sûr. T'as déjà pris un couteau sur toi dans la rue ? Ouais, j'en avais déjà. En fait, quand j'étais vraiment mal. Par exemple, si on allait m'agresser ou quelque chose, en fait. Mais là, t'as peur d'être agressé, donc tu veux te défendre. Ce qui n'est pas une bonne façon, puisque en général, le couteau peut se retourner contre toi. Bon, Doc. Voilà. C'est quand même assez flippant ce qu'il est en train de nous dire, Vincent. Oui, mais la seule chose que je vois, c'est qu'il a de bonnes relations avec ses copains. Dans sa famille, ça se passe plutôt bien. Enfin, quand même. Et qu'il dit, je ne le ferai pas. Oui, mais. Parce que. Plutôt, je ne l'ai pas fait. Ouais. Non, pas je ne le ferai pas. J'ai envie de le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que sur le coup, je pensais que. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, il ne va pas passer le cap. Et est-ce que tu penses qu'un jour ou l'autre, tu peux passer à l'acte ? Non, parce que je ne pense pas, mais je vais souvent chez la viande bien saignant. Ah oui, tu veux m'avancer. Ma mise à bien couper. Attends, franchement. Non, mais c'est une connerie, en fait, Vincent. Bien sûr. Non, c'est pas une connerie. Un petit peu beaucoup. La viande saignante, mais c'est quoi ça? Oui, non, mais attends, il y a la viande saignante. Faut que tu sois bouché, en fait, je pense. Est-ce que t'as déjà fait du mal à des animaux? Non, ça, je pourrais pas dire. Bah, heureusement. Donc, ça, tu pourras pas tuer quelqu'un si tu ne peux pas faire de mal. Moi, je pense que tu. Bon, bref, tu nous racontes une histoire, bon, qui peut être complètement fantasmée, comme c'est classique à cet âge-là. Si en revanche, tu as vraiment une idée obsédante, je parle en général, pas que pour toi. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que tu sois capable de passer à l'acte parce que tu as parfaitement conscience, tu ne pourras pas faire de mal à un animal, et tu sais qu'il ne faut pas le faire parce que la loi, elle existe pour toi dans ta tête, tu sais très bien ce que ça veut dire. Bon. Néanmoins, juste pour terminer, ceux à qui. Il y a ceux qui le feront, hein, qui passent à l'acte, évidemment, qui sont psychotiques, qui peuvent tuer quelqu'un. Toi, si tu souffres de ça, si c'est obsédant, il faut consulter un psychothérapeute pour pouvoir lui parler justement de cette idée obsédante. Si, moi je te dis que ça sert à quelque chose. Ah bah de ouf, franchement Vincent, tu te rends pas compte, mais il y a plein de réactions sur les réseaux sociaux, enfin ça fait quand même c'est vachement simplement flipper, quoi. Pour peut-être déjà te culpabiliser, qu'est-ce qui peut te pousser à cela ? Il y a vraiment une raison totalement inconsciente, que je ne connais pas, que tu ne connais pas, et même te le dire d'ailleurs ne servait pas forcément à grand chose, t'as envie de tuer parce que ceci, cela. Mais en revanche, une bonne psychothérapie, ça peut t'aider justement à sortir de cette idée obsédante. Et puis en plus, il y a eu plein d'exemples, notamment aux États-Unis, dans les campus, t'as des mecs qui ont pété des plombs et qu'on tirait sur tout le monde. Il y a Luca Magnotta aussi qui ramenait des mecs chez lui et qui les bouffait, quoi. Enfin, c'est. Oui, mais ça, c'est là, on est dans un autre registre. Je pense que tous les gens que tu cites ne seraient jamais passés dans cette radio pour raconter ça. Ouais, bah je l'espère aussi. Vincent, rassure-nous, quoi. C'est normal aussi parfois de voilà, il y a des gens que tu sens pas, mais bon, de là à vouloir les tuer. Donc va voir un bon psychothérapeute parce que ce que tu fais là est essentiel. Tu en parles, et tu vas apprendre à prendre de la distance avec ça. Bon, écoute Vincent, c'est le conseil qu'on te donne. Après le coup de la viande, là, on n'a pas trop compris là. Hein, bah, c'est pour me défouler. D'accord. Ok. Bon bah et Vincent, parle-en à quelqu'un. C'est important. Bah je vais aller voir, oui, comme il a dit Doc. Voilà. Ok. Ok. On compte Salut, sur toi. Salut Vincent. Hein? Tu vas où en vacances que je te croise pas? Dans le sud. Ah bah j'irai pas. Mais j'irai plus. Ah, Alice va à Nice. Ouais, j'ai prévu. Non mais ne dis pas la ville. Oh pardon. Oh merde. Putain. Ah, ça va. Vincent il a compris. Et puis il le fera pas. Surtout. On se connaît maintenant. On est amis en plus. Voilà. Hein, on est potes. Ouais, on est potes. Bah oui. Ah oui, bon, ça va. Ouais, t'es bête mon copain et tout. Lison nous rejoint sur Fun Radio. Lison, 18 ans de Laval. Salut Lison. Salut. Salut tout le monde. Salut Lison. Il y a du bruit autour de toi. T'es avec qui là, Lison? Ma petite sœur qui fout bordel. Bah, il y a pas de problème. Elle s'appelle comment ta frangine? Elle s'appelle Jessie. Elle est chiante. Hein. Elle a une voix modifiée également. Oui. Ouais. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Ah mais non, c'est pour ça. Elle est pas au lit, toi. Non. T'as mais Doc le relou. Lison. Oui. Attache ta sœur. Écoute, tu lui dis de fermer sa gueule. Ah, on s'entend plus là, Lison. Hein? Non, mais sans déconner. On a bien perdu la petite sœur. Lison. Non mais hey. Attends, c'est n'importe quoi. Lison, est-ce que tu peux? Hop là, je la coupe. J'ai le pouvoir sur vous. Non mais moi je trouve ça bien la petite sœur. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle veut dire à côté de sa sœur? Attends, parce que là on ne peut plus parler. Voilà la petite sœur, elle peut dire. Lisa, Lison, Oui. Lison, on. Non mais c'est. Elle peut pas dire ça à côté de sa petite sœur. Mais non. Lison, tu nous appelles pourquoi? Je voulais savoir si des mecs ils pouvaient s'auto-sodomiser comme il y en a qui peuvent se faire des auto-fellations. Voilà. La petite sœur. La petite sœur, elle est pas à côté, j'espère. Qu'elle soit tranquille. Ah mais d'accord. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit à côté, enfin pas à côté, je veux dire. On va en parler. Alors, je savais qu'il y avait des mecs qui étaient assez souples pour se faire des auto-fellations, mais alors des auto-sodomies. Oui. On en parle dans un instant. Restez avec nous. On va revenir avec Luis Fonsi et Despacito sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Salut, c'est Marion Yenso. Ce soir, ne manquez pas notre émission spéciale paranormale avec un prêtre exorciste et une femme qui parle aux morts. On va aussi tester un détecteur de fantômes et plein d'autres choses qui font peur. Esprit, es-tu là? Oui, enfin, c'est ce soir, Anton. Oui, mais je m'entraîne pour ce soir. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Monster sent que vous écoutez la radio. Monster sent tout. Monster sent, par exemple, que votre talent est unique. Alors, Monster cherche et cherchera jusqu'à ce que vous trouviez l'emploi que vous méritez. Des emplois, des conseils, de la puissance. Monster.fr, téléchargez l'application. Bonjour. Alors, je voudrais 500 grammes de lunettes de soleil, 3 louches de crème solaire et 2 belles tranches de tongs. Je sens que je vais me régaler cet été avec EasyJet. Offrez-vous des vacances d'été délicieuses avec EasyJet et envolez-vous en Europe à partir de 35 euros. Conditions et réservations sur easyjet.com. Fun Radio présente l'ESWC Summer. L'événement e-sport emblématique débarque à Bordeaux. Au programme, League of Legends, Clash Royale, Street Fighter V, Cross Maga et Rocket League. Ah non, okay. Les meilleurs joueurs du monde et vos youtubeurs préférés, Domingo, Trapa, Kameto et Le Stream, vous donnent rendez-vous à l'ESWC les 1er et 2 juillet au Palais des Congrès de Bordeaux. Entrée gratuite sur réservation eswc.com. Avec Fun Radio. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€.

Lucia, tu chantes, toi, Cassie? Ah, grave, putain. L'autre, il a même pas eu son bac et il chante. Allez, Steve qui nous envoie des bisous. Il y a aussi Nico qui dit les routiers vous écoutent et vous adorent. Ne partez pas en vacances, restez. Bah, merci beaucoup, Dylan. Ça fait super plaisir. On salue tous les routiers qui nous écoutent, qui sont fidèles là, dans la cabine tous les soirs. Pedro Lito aussi, un grand fidèle de Love in Fun, qui nous dit c'est la semaine du bac et c'est dur. Bon courage à vous tous. Hein. Il y a aussi un petit message de Mel qui demande si on peut rejoindre son groupe. On va regarder tout ça, Mel. Il y a Matt qui nous envoie une petite vidéo de lui en train de faire de la muscu. Voilà, il nous écoute à la muscu, là, tranquille. Il y a Edouard aussi qui envoie son petit message. Salut l'équipe, je vous écoute tous les soirs. J'aimerais bien avoir une capote Love in Fun avec une dédicace et un poster, si possible. Alors, le poster, on n'a pas encore. Hein. La photo dédicacée, on vous envoie ça, bien sûr. Et les capotes Love in Fun, il suffit de nous appeler au standard 01 42 48 5000 ou le petit mail qui fonctionne bien aussi. loveinfun@funradio.fr. On va accueillir Lison, 18 ans, de Laval. Alors, j'espère que la petite sœur est pas à côté, là, parce que sans déconner, t'es là, Lison? Oui, je suis là. Voilà. Mort d'œil, hein. La petite sœur de 7 ans est allée au lit? Oui. D'accord. Et alors, Lison, tu qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu t'es posé comme question, toi, ma chérie? Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent s'auto-sodomiser? Enfin, je sais pas, il y en a qui sont tellement fous qu'ils arrivent à faire des auto-sodomisations. Donc, non, peut-être que, bah, voilà. Il en faudrait une de 40 cm. Ah, bah ouais, bah, putain, non, ça doit être possible. Bien sûr que non, c'est pas possible. Bah, Cassie, moi, je lui ai posé la question, elle a dit qu'il y arrivait. Bah, enfin, il est mytho. Mais il faut pas en érection. Bah, non, enfin, attendez. Hey, attends. Dirait l'autre, oui, il a une paire de couilles entre les jambes, sauf que ce sont pas les siennes. Non, mais attends, j'ai dit un truc, Lison. En fait, nous, les mecs, quand on est excités, hein, donc pour l'avoir suffisamment longue pour arriver à l'anus, hein, il faudrait donc qu'on bande. Mais non. Mais ça, je sais, fais-moi débile quand même. Bah oui, mais donc sans bander, vous pouvez en tirant quand dessus. On bande, elle se redresse et donc on ne peut pas la plier suffisamment pour une demi-molle, il y a moyen. Tu peux le faire sans bander, ça fonctionne. Non, mais oui, tu tires dessus, tu rentres le bout. De pénétrer, je ne pense pas, Cassim. Ça peut pas. Tu touches le bout, quoi. Mais enfin. Mais si, je suis sûr, tu peux faire un smack entre ton gland et ton anus. C'est quoi, tu t'allonges et t'écartes les jambes. Et après, tu tires un peu ta tête. Mais allez tous essayer aux toilettes. Et celui qui. Non, mais tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure déjà dans le bureau. Oui. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Elle est trop courte. Non, mais bien sûr que non. Non, mais franchement, et Doc, il a tout dit. Il faudra en avoir une de combien sans érection, Doc, pour atteindre l'orifice? 25-30. 25-30, voilà. Cassim, il arrive. Non, mais Cassim, t'y arrives, toi? Mais oui, vraiment. Vraiment? Bah oui, enfin, je la rentre pas dans mon cul, mais donc, ça touche un peu l'anus, quoi. On sait ce que fait Cassim le soir. Il peut rentrer le bout de son gland dans son anus, quoi. Mais, alors, peut-être que j'y arrive, mais je ne le sais pas encore. Et ben, tu vas essayer. Soir. Non, j'ai pas essayé. Bah, alors, j'ai pas essayez tous. Toi aussi, Doc, tu essaieras, tu nous diras demain si ça non, rentre. Non, j'essaie pas. Alors, par contre, Doc, les autofellations sont possibles. Il faut être très souple. Il y a des gens qui ont une hyperlaxité, c'est-à-dire des articulations extrêmement souples, c'est même une maladie. Donc, ils peuvent effectivement arriver facilement jusqu'à la verge. Sinon, ben, votre corps se rigidifie un peu et la souplesse extrême n'existe plus à partir d'un certain âge. Ah oui. Il y a 2,7% des hommes qui normalement réussissent à s'auto-sucer. Voilà. Ah oh, putain. Donc vous faites peut-être partie de ça. Donc ce soir, on essaye tout. Hein. L'autofellation, l'autosodomie. Franchement, alors si tu nous écoutes et tu t'es déjà auto-sucé, appelle-nous. Ah ouais. C'est tellement mieux à deux. Enfin, bon, bah oui, non, mais bien sûr, Doc. Mais après, ça fait partie des petits. Oui, ou des. Ou des challenges. Ouais. Non, c'est un défi quand même. Ah bah putain, paye ton challenge. Ouais, j'ai réussi, les gars, à m'auto-sucer. Bah attends. Ah bah je sais pas. Bravo, chapeau quoi. Après, ah ouais, putain, Alice trouve ça formidable. Hein. Bah écoute, oui. Bah c'est le moment de nous appeler si vous avez cet incroyable talent. 01 42 46 5000. Cassim a beau essayer, là pour le coup, c'est plus compliqué. Il arrive même pas à toucher ses pieds, lui. Hein. Lison, voilà. Toutes les réponses que nous pouvions t'accorder. Ça oui. Ça te fait plaisir. Ben, on embrasse ta petite sœur de 7 ans. Hein. Oui. Salut Lison. Bisous. Salut tout le monde. Ciao à toi. Il y a Maël qui nous rejoint. Il a 15 ans à Bordeaux. Salut Maël. Salut Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut. Ça, vous allez bien? Ça va bien Maël. T'appelles pourquoi? Ah ben moi je vous appelle parce qu'aujourd'hui j'ai fait un bisou à ma copine. Ça va faire 3 semaines que je suis avec elle et j'aimerais savoir si elle est vraiment amoureuse parce que j'ai fait un bisou dans le cou et j'ai vu qu'elle avait des tétons qui pointaient à travers son t-shirt. Ah, est-ce que c'est un signe? Bah c'est un signe d'excitation, non? Amoureux, non, ça veut pas dire qu'elle est amoureuse, mais enfin elle accepte, en tout cas oui, très bien. Elle est peut-être amoureuse de toi, mais enfin, je pense qu'il y a d'autres façons de s'en rendre compte que l'autre est amoureux que les excitations sexuelles. Enfin bon, bref, je te le dis comme ça. Hein. Ah mais oui. Ah oui, Maëlle, tu l'as pas. D'accord. Ouais. C'est comme ça, elle avait des frissons, non? Enfin, je suppose que c'est comme non, ça, elle avait des frissons, non? C'est une sorte de frisson. Bah, elle est peut-être chatouilleuse, c'est tout. Alors, hein. Le cou est une zone érogène. Ouais. Et quand tu la stimules avec ta bouche, forcément, ça déclenche une excitation, dont le côté mamelon et rectile, oui, peut-être, pourquoi pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse de toi. D'accord. Et t'avais des frissons, ton calbut, Maëlle ? Vite fait. Parce que là, ça, franchement, pour les mecs, je le dis pour toutes les filles qui nous écoutent, c'est quelque chose d'ultra gênant. C'est-à-dire que quand on embrasse une fille et qu'on a tendance, voilà, à bander, eh ben, on se dit peut-être que la fille va le sentir. Et c'est indépendant de notre volonté, Doc. Hein. Tu peux nous rassurer. Parce que l'embrasser, la caresser, c'est un acte sexuel qui déclenche une excitation. C'est normal. C'est le début de l'acte sexuel. Moi, je me suis toujours posé la question si les filles, vous aviez remarqué que parfois on a ce qu'on appelle le barreau. Bien sûr. Des fois, on le sent aussi. Hein. Ah ouais, mais ça doit être hyper gênant, ça. Bah, c'est particulier. Ouais, ça t'est déjà arrivé, Alice, de faire un bisou à un mec et de je sais pas, à un moment donné, t'as comme une perche qui attends, c'était commence. Pas une perche, c'était bien le problème. Non, en fait, moi, je me rappelle que j'avais eu cette sensation-là. Il s'était jamais rien passé avec lui. On avait dormi dans une tente, il était derrière moi. Et en me faisant un câlin, j'avais senti que, un truc dur dans mon dos, quoi. Ah, putain. Et je me suis dit, mais merde. c'est particulier, franchement, bon. C'est sûr que c'est bizarre. Bah, en fait, surtout que moi, en fait, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. C'est pour ça que je me pose un peu la question de savoir si elle est amoureuse de moi ou pas. Comment on sait si quelqu'un a des sentiments pour toi, en fait on... C'est pas les tétons, en tout cas. Ouais, c'est pas les tétons. En fait, tu vois bien si elle a envie de te parler souvent, ce qu'elle te dit, ce qu'elle échange, la tendresse qu'elle a pour toi. Puis ça se dit quand on a des sentiments pour quelqu'un. Elle t'a dit quelque chose, hein? Non, j'ai pas de questions. Je voulais juste savoir. Est-ce fait, qu'elle t'a dit quelque chose? Non, pas spécialement. Quand on est amoureux de quelqu'un, Doc, c'est un peu chimique le truc, il se passe quelque chose, une alchimie justement. Oui, mais il y a des gens qui résisteraient aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est amoureux? Parce qu'on a un sentiment quand même. C'est le cas des bonnes hormones et on a effectivement une modification, une sensation d'être transporté par quelque chose, voilà. Alors moi j'avais lu un truc, tu me dis si c'est vrai ou pas, que quand on est amoureux, c'est presque comme si on avait chopé une petite maladie, en fait, tu vois. Une gastro. Non, mais que c'est aussi pour ça qu'on peut être très triste quand la personne nous quitte, en fait. Il y a comme une dépendance aussi à une drogue, quoi. Oui, si on veut. Enfin, oui, non, mais toute rupture affective peut déclencher de la tristesse, c'est ce qu'on peut souhaiter, parce que vivre une rupture affective sans le moindre sentiment, c'est quand même inquiétant. Il y a un mec au fond du studio qui vient de s'installer, il me fait un peu peur. Et juste derrière toi. Sans déconner. Attention. Ouais, c'est Justin du Night Show qui vient squatter la fin de Love in Fun. T'as un truc à dire, Justin? Bah écoute, non, j'ai un non. C'est le mec qui s'installe et tout, tranquille, vas-y. Oui, non, tout va bien. C'est parce que je suis à poil que t'es là, en fait. Bah exactement. Voilà. Bah ton avis. J'ai pris un coup de café, donc du coup, j'ai enlevé mon pantalon. C'est ce qu'il raconte. Ouais, bien sûr. Et Maël, est-ce qu'on a... Tu pissé dessus, je vais vous dire la vérité. Non mais ça va pas ou quoi, putain? Sans déconner. J'ai fait tomber mon café, donc je te rappelle. Oui. Quelqu'un veut un petit arabica? Non merci, c'est sans voilà, Maël. Un café à Bodo. Oui. Maël, tu reviens quand tu veux. En tout cas, bravo pour cette nouvelle copine que tu as dans ta vie. Hein, bah écoute, merci, j'espère que ça va durer. Hein. Bah j'espère aussi pour toi. Et toi, t'es amoureux, hein? Ah oui, moi je suis. C'est vrai que ça fait seulement 3 semaines, mais moi j'y crois et ouais, je suis amoureux. Le test des vacances pour tous ceux qui viennent de se mettre en couple. Hein, non mais c'est vrai. Il y en a aussi. La baraque. Ouais, mais non mais bien sûr. Et puis il y en a aussi beaucoup là qui vont se faire larguer. Hein, d'ici très peu de temps, parce que les vacances vont commencer. On tient à vous le dire, méfiez-vous. Est-ce que certains passeront l'été? On le saura bientôt. En tout cas, Maëlle, nous, on te souhaite beaucoup de bonheur avec elle, d'accord? Bah, merci beaucoup, l'équipe.